danse de sa main étendue. De son pied, pied, de sa main. With your head, with you. Protection. all the time. Extraordinaire à moi, rien qu'à moi, personne d'autre.